Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de cette édition. 18 novembre 2002, 18 novembre 2020, cela fait exactement aujourd'hui 18 ans que la radio Isanganiro a commencé à émettre et à œuvrer pour la réconciliation des Burundais, en témoigne sa devise « Le dialogue vaut mieux que la force ». À cette occasion, son directeur annonce pour très bientôt l'exploitation d'une télévision qui portera son nom. Les trois personnes accusées d'atteinte à l'économie nationale par vente illégale de rouleaux de fil électrique au Rwanda ont été condamnées par le tribunal de grande instance de Ngozi à une année de servitude pénale et une amende de 500 000 francs chacun. Les cas positifs de Covid-19 provenant de l'extérieur du pays sont en augmentation, soit 16 parmi les 453 voyageurs dépistés, tandis que les cas internes sont en pleine diminution depuis la réouverture de l'aéroport international Melchior Ndadaye, d'après le ministre de la Santé publique. Et la réponse par le bien au mal change le comportement de l'auteur de ce dernier. Ce sera l'objet de la chronique Parle, rassure-moi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains employés de la radio Isanganiro se disent ravis de ces 18 ans que cette station souffle ses bougies. Ils disent que cette dernière a énormément contribué au développement du pays et demandent aux diverses sources d'information de continuer à les livrer afin qu'elles soient données à la population. Suivez ces journalistes et employés de la radio Isanganiro. Moi, je suis vraiment très ravi. Avec ces 18 ans, la radio Isanganiro s'est vraiment souciée du rapprochement des différentes couches sociales afin qu'ils puissent se mettre autour d'une table de dialogue et vivre en harmonie. Aujourd'hui, à part ce sentiment de satisfaction, eh bien voilà, on aimerait demander aux détenteurs de l'information, donner l'information de façon fluide afin que l'on puisse servir la population parce que nous sommes au service de la population, aussi aux responsables de notre station, de reconnaître le travail des journalistes. Et là aussi, j'aimerais aussi dire merci aux membres fondateurs de cette station. 18 novembre 2002, 18 novembre 2020, la radio Isanganiro a grandi, elle a accompli des merveilles, je dirais. Et aujourd'hui, elle émet presque sur tout le territoire national, elle émet en ligne, elle émet dans les pays limitrophes. On arrive à suivre les émissions de la radio Isanganiro. Je dis joyeux anniversaire. En tant que membre de la rédaction, je souhaiterais qu'avec les 18 ans, on continue à avoir de l'information. Je suis entièrement satisfait de ce 18e anniversaire de la radio Isanganiro. En tant que journaliste et producteur au sein de cette station, je me réjouis non seulement pour moi, mais également pour nos auditeurs. La radio Isanganiro a des émissions variées par de l'agriculture, de la vie sociale, de la population burundaise en général. Donc c'est une satisfaction de savoir que nous sommes au service non seulement de la radio, mais également au service de la population. Je suis vraiment très heureuse pour cet anniversaire de 18 ans d'existence de notre radio. En tant que responsable du service commercial et marketing, je voudrais remercier vivement tous ceux qui travaillent avec notre radio, dont les entreprises, organisations et particuliers, pour leur confiance et fidélité envers notre radio. Nous leur promettons de garder et consolider cette confiance. C'était les journalistes et autres employés de la radio Isanganiro. Et pendant ses 18 ans au service de la population, la radio Isanganiro a connu des moments difficiles. Elle a été suspendue 2 fois, mais cela n'a pas découragé ses journalistes. C'est le directeur de cette station qui le dit en reconnaissant l'apport de cette radio dans le développement du pays. Silver Nakarutimana annonce déjà l'exploitation d'une télévision Isanganiro d'ici peu. La radio Isanganiro a commencé à émettre en 2002. À l'époque, c'était une période de guerre. À l'époque, au moment où la radio Isanganiro commençait, il y avait de la violence, il y avait les violations massives des droits de l'homme. On s'est dit, en utilisant la violence, la guerre, on s'était dit que pour postulat que c'était pas vraiment très rentable, qu'il fallait trouver d'autres moyens, des alternatifs pour résoudre le conflit qui opposait les Burundais. C'est comme ça que la radio Isanganiro, en ouvrant, avait fait le pari de promouvoir le dialogue, le respect des droits de l'homme, la réconciliation des Burundais comme une solution durable. Pendant toutes ces années, nous avons rencontré des défis. La radio Isanganiro a eu vivre des crises. Elle a été obligée de suspendre ses émissions en 2003. Par après, la radio Isanganiro a été réouverte. Une autre crise que je pourrais aussi signaler, c'est la crise récente de 2015. Nous étions dans le contexte des élections et les émissions de la radio Isanganiro ont dû forcer de cesser parce que les circonstances, effectivement, ne permettaient pas qu'elle continue à diffuser ses émissions. Mais comme on a toujours mis en avant le dialogue, nous avons eu le temps de dialoguer avec les autorités du pays. Il a été décidé de réouvrir ses émissions. Tous ces parcours nous ont fait grandir. C'est pourquoi nous avons des perspectives de développement par rapport à l'accessibilité des nouvelles technologies de l'information. Nous avons développé d'autres canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, l'Internet. Et l'autre chantier, c'est que nous voulons que nous puissions associer le son et l'image. Nous avons un projet d'ouvrir une télévision. C'est difficile peut-être d'annoncer la date probable ou définitive pour l'ouverture de cette télévision. L'autre chantier, c'est aussi de voir comment améliorer le bien-être des travailleurs de la radio Isanganiro. C'était Sylvère Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro, qui fête aujourd'hui ses 18 ans d'existence. Et trois personnes accusées d'atteinte à l'économie nationale en vendant illégalement des rouleaux de fil électrique au Rwanda ont été condamnées à une année de servitude pénale, une amende de 500 francs burundais chacun. Et c'est une sentence du tribunal de grande instance de Ngozi. C'était dans un dossier de flagrance après que ces trois hommes ont été surpris par des militaires assurant la sécurité à la frontière burundo-rwandaise en commune de Mwumba de la province de Ngozi. Les trois ne nient pas ces accusations et indiquent qu'ils s'approvisionnaient au marché central de Ngozi. L'association burundaise des consommateurs à Buko déplore la flambée des prix des produits de première nécessité constitués de vivres de matériaux de construction. Le président de cette association indique que cette flambée est due aux spéculations de certains commerçants et demande au ministère ayant en charge le commerce de prendre des mesures qui s'imposent et aller au-delà des mises en garde. Suivez plutôt Pierre Ndouayo, président de la Buko. Au niveau de la Buko, nous avons aussi constaté que ces derniers temps, la plupart des produits de première nécessité, comme vous les avez cités, comme le haricot, comme la farine de blé, comme la viande, ont connu une hausse très exagérée. Et c'est vraiment une situation très, très préoccupante. Nous invitons le ministère, d'ailleurs le commerce, dans ses attributions, d'explorer toute la problématique qui entoure la hausse des prix de ces produits. Par exemple, la titre d'illustration, la farine de blé, comme la grande quantité qui est consommée ici est importée. Le ministère devrait explorer ensemble avec les importateurs pour voir les problèmes qui entourent la commercialisation et voir s'il n'y a pas lieu de rabaisser les taxes qui sont appliquées sur la farine de blé afin de permettre à la population de se procurer des produits fabriqués à base de cette farine de blé et sans grande difficulté, surtout que ces derniers temps nous constatons que la situation quand même du consommateur n'est pas vraiment au beau fixe. En ce qui concerne le haricot, c'est vraiment lié à la période actuelle où une période de semences de haricots. Et dans les périodes comme celle-là, nous avons constaté qu'il y a une faible quantité sur le marché et partant, le prix est vraiment très élevé. En attendant que la récolte du haricot intervienne, nous invitons le ministère et le commerce dans ses attributions aussi de voir comment encourager ceux qui importent le haricot afin que les taxes qui sont appliquées sur le produit, en attendant de récolte, que ces taxes soient suspendues. Et la situation qui est vraiment préoccupante, qui nécessite même des mesures énergiques, c'est le ciment qui est produit ici chez nous. Mais malheureusement, les commerçants de détail font une très grande spéculation et nous invitons le ministère de la Commerce et des Attributions à sévir contre les commerçants détaillants de ce ciment, inviter même l'administration à les suivre de près pour que ceux qui ne respectent le prix indiqué soient sérieusement sanctionnés. Pierre Ndouayo, président de la Buko. Les cas positifs de COVID-19 provenant de l'extérieur du pays sont en augmentation, soit 16 parmi les 453 voyageurs dépistés, tandis que les cas internes sont en pleine diminution depuis la réouverture de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Précision du ministre en charge de la santé publique. Au cours d'une formation organisée ce mercredi à l'endroit des agents de santé de tout le pays, Tadendi Koumana promet l'évaluation de la situation actuelle avec le Comité national de gestion de la COVID-19 mis en place par le président de la République afin de reprendre la mise en quarantaine de 14 jours. De plus, les certificats de dépistage négatifs seront désormais confisqués, selon le ministre Ndi Koumana, qui trouve qu'il a été constaté que les détenteurs de ces certificats sont parfois testés positifs au COVID-19. La suite de ce journal, l'augmentation des cas de dénonciation des violences basées sur le genre, la mise en place et l'opérationnalisation des réseaux de lutte contre ces violences jusqu'au niveau collinaire sont certains des résultats des diverses campagnes annuelles de 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre. Cela a été déclaré par la directrice générale de la promotion de la femme et de l'égalité du genre au ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. Donatienne Girukwishaka indique également que 5 centres d'accompagnement multiforme des victimes de violences basées sur le genre ont été ouverts à travers le pays. Suivez-la, elle est au micro d'Armel Motore. Les résultats qui ont été enregistrés à travers ces différentes campagnes qui ont été organisées dans le temps passé sont multiples. Premièrement, nous sommes fiers de la dénonciation qui a augmenté. Et maintenant, la violence basée sur le genre ne fait plus question d'un tabou. C'est un sujet qui est débattu, c'est un sujet qui est parlé. Nous le voyons à travers le nombre de cas qui sont enregistrés. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, la dénonciation. Deuxièmement, ce sont les différentes activités de prévention qui sont renforcées. En témoignent les réseaux communautaires de lutte contre les violences basées sur le genre qui ont été mis en place et qui sont opérationnels à tous les niveaux. Quand nous parlons de tous les niveaux, comprenez le niveau collinaire, il y a un réseau. Le niveau communal, il y a un autre réseau. Le niveau provincial, il y a également un autre réseau. Et tous ces réseaux ont comme mandat de travailler, de conjuguer les efforts pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Le troisième résultat enregistré, c'est la prise en charge qui a aussi augmenté en qualité et en quantité. Alors maintenant, on est fier que nous avons 5 centres de prise en charge intégrés des cas de victimes de violences basées sur le genre, ce qui permet aux victimes de recevoir les services nécessaires à un même endroit. Et ces services sont la prise en charge psychosociale, la prise en charge médicale, la prise en charge juridique et la prise en charge judiciaire. Et toute cette prise en charge est reçue au même endroit. C'est ce qui facilite la victime et la prive de parcourir de longues distances, plusieurs kilomètres à la recherche des services, à défaut même de laisser tomber la poursuite de tout ce processus. Je profite aussi de l'occasion pour informer l'opinion que ces centres de prise en charge intégrés sont disponibles dans la province de Cibitoke, province Muyinga, province Makamba et province Gitega, qui est le centre mère, et aussi le centre de Rumonge qui va bientôt ouvrir ses portes. Et promouvoir les droits de l'homme, sa protection et le renforcement institutionnel sont les axes prioritaires dans le plan stratégique 2021-2025 de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Sixte Vignini Mouraba, président de la CNIDH, précise que les défis en rapport avec le manque de moyens financiers et le nombre insuffisant du personnel font qu'il y ait certaines activités qui ne sont pas réalisées. Il s'exprimait ce mercredi lors de la présentation du plan stratégique 2021-2025 aux partenaires et aux organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. On l'écoute. Le premier point est en rapport avec la promotion des droits de l'homme et le deuxième point est en rapport avec la protection des droits de l'homme, mais aussi nous avons le rôle consultatif et le renforcement institutionnel. Et nous avons beaucoup d'activités en rapport avec la protection des droits de l'homme et qui visent à protéger les Burundais et les personnes vivant au Burundi et contre des violations des droits de l'homme, mais aussi nous avons beaucoup d'activités en rapport avec la gestion des saisines ou des plaintes. plaintes, parce que chaque fois que nous recevons des plaintes, nous sommes appelés à réagir immédiatement, plutôt contrairement à ce qui se faisait dans les années antérieures où on pouvait passer beaucoup de temps sans avoir répondu aux requérants. En ce qui est de la promotion des droits de l'homme, on va se focaliser principalement sur les textes légaux en rapport avec les droits de l'homme, mais aussi leur traduction dans la langue nationale. Comme vous savez qu'au Burundi, il y a des gens qui ne parlent pas la langue française, ce serait bien qu'on puisse traduire ces différents textes afin de leur permettre de les lire, mais aussi de les utiliser dans leur procédure judiciaire. La plupart des fois, les problèmes auxquels on fait face sont le manque de moyens financiers, mais aussi le manque de personnel suffisant. Parce que vous voyez que dans la promotion des droits de l'homme, on doit organiser beaucoup d'activités, mais aussi on va faire beaucoup de déplacements. Et si on n'a pas de budget pour pouvoir effectuer ces déplacements, si on n'a pas de véhicule suffisant, et ce serait un peu difficile de pouvoir arriver sur les lieux où s'est commis un incident. Et dans l'actualité également, la route Bugarama-Gitega est coupée sur la rivière Nyabuhurura de la colline Mehe dans la commune Muranvia le matin de ce mercredi. Les usagers de cette route depuis et vers les provinces Gitega-Ruige et Tchankouzo sont obligés d'emprunter une déviation à l'endroit d'Ikibogoye dans la commune de Bukeye. Les transporteurs disent que le carburant et le temps augmentent et ces derniers, comme les passagers, réclament la réhabilitation de cette route le plus tôt possible. Et les projets de développement dont l'exécution était à son début et les autres dont l'élaboration venait à peine de commencer ont connu une avancée significative par rapport à leur état avant l'entrée en fonction du gouverneur de la province Rumonge. Consolateur Nitunga, qui dresse au bilan, se réfère à l'état d'avancement, notamment la construction du bureau provincial et de l'avancement de l'élaboration d'autres projets au terme des 4 mois qu'il est aux commandes de cette province. Jean-Pierre Misago. Le projet d'envergure qui avait déjà commencé avant sa nomination à la tête de la province Rumonge était la construction d'un bureau provincial. Consolateur Nitunga, gouverneur de cette province, depuis juillet 2020, dit que les travaux sont actuellement à un stade satisfaisant. Il y a un projet d'envergure qu'on est en train d'exécuter dans notre province, celui de la construction d'un bâtiment qui va abriter la province. Dans les 4 mois, en tout cas, nous avons fait un pas de géant compte tenu de l'état où on a trouvé fondation de ce bâtiment. Comme vous le constatez, il est à un niveau appréciable si on compare le temps qui vient d'être écoulé tout en comparant aux réalisations. Les autres projets de développement de cette province sont sous-suivis pour finaliser leur élaboration selon le gouverneur de la province Rumonge. Il y a un projet de construction du port de Rumonge, il y a un projet de construction du marché transfrontalier ici à Rumonge et ainsi que d'autres projets. Et ces projets, je vous dirais qu'on est en train de les suivre de près, sans toutefois oublier la construction de la route nationale numéro 3. Donc on est en train de suivre tous ces projets. On s'approche aux différents dirigeants du ministère. Donc en suivant, nous voyons que vraiment les réponses sont satisfaisantes. À quel niveau se trouve le projet de construction d'une usine de transformation des jus de mandarine? J'ai le projet de construction de l'usine de transformation des fruits. D'abord, il faut savoir que le projet sera financé par la Banque mondiale. Puis, les équipes techniques qui ont été mises en place pour préparer le dossier. Le dossier a été achevé, il est sous analyse. Bientôt, on va organiser une séance de validation entre les parties prenantes, pour qu'après, on transmette le dossier auprès du gouvernement pour sa validation finale. Même s'il est satisfait de l'état d'avancement de ses projets de développement de cette province après 4 mois d'exercice, consolateur Nitunga dit que certains défis restent à lever. Dans nos prochaines éditions, le gouverneur de la province de Rumonge s'exprimera sur ces défis et les solutions envisagées. Rassure-moi. Répondre au mal par le bien est toujours bénéfique, selon le coordinateur au sein de l'ONG locale, Biratura Aba, œuvrant dans le domaine du développement communautaire. Emmanuel Ninonze explique que cela peut influencer l'auteur à changer de comportement et il fait savoir que ça peut attiser le feu dans le cas contraire. Orléna Moudjo. Rendre le bien pour le mal ou répandre le mal par le bien est le moyen efficace d'influencer positivement. Emmanuel Ninhunze, coordinateur au sein de l'ONG locale Biatulaba, œuvrant dans le domaine du développement communautaire, précise que c'est l'un des moyens ou techniques proposées pour régler pacifiquement ou même prévenir les conflits. Pour toute société, soit vous vous acceptez, et vivre ensemble, soit il y a des dérapages. En cas de dérapage, alors, je pense qu'il faut être sage, il faut être sage dans la communauté. Puisque un discours haineux, ça engage des personnes, ça engage la société, ça engage toute la communauté. Alors il faut être sage pour conseiller, pour pacifier, sinon c'est la destruction totale. Dans le cas contraire, répondre sous le coup de l'émotion, ça pourrait provoquer des tensions. Il y a un terme militaire qui dit que le feu attire le feu. Alors un discours haineux, c'est pour allumer le feu. Si ça tombe dans des herbes sèches, c'est seulement que le feu va ravager toute la communauté. Si quelqu'un utilise un discours haineux, il tombe sur quelqu'un d'autre qui utilise le même discours, c'est la collision. Alors, s'il y a collision, il y a des étincelles, bien, c'est le feu. Comme c'est écrit dans le dictionnaire philosophique, la discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. Merci Ornella Mucho, merci à vous tous d'avoir suivi ce journal, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à tous, Mitebouti, pour la mise en onde. Je rappelle le grand titre de cette édition, c'est le 18e anniversaire de la radio Isanganiro, puisqu'elle a commencé à émettre le 18 novembre 2002. Et j'ai envie de dire qu'une démocratie sans presse est libre, faut pas rêver. Et joyeux anniversaire à tous les confrères, à tous nos auditeurs.